Ce que je vais vous dire, ça là, c'est une très grande importance. C'est pas facile à comprendre, c'est une très grande importance. C'est presque une clé d'évolution. J'ai attendu pour en parler parce que je voulais que les gens soient d'abord déjà sensibilisés à leur propre intelligence avant d'en parler pour comprendre un peu ce que je veux dire. Puis le sujet que je commence à développer, je vais continuer ce sujet-là parce qu'il y a beaucoup de choses à dire dessus. Et ce qui est important dans le sujet, j'aimerais ça que tout le monde réellement écoute attentivement. D'une autre façon, parce que les gens écoutent tout attentivement, mais d'une autre façon, pour essayer de piger derrière ce que je veux dire. Pour aller chercher le plus possible dans ce que je veux dire, parce que les mots me limitent automatiquement dans ce que je veux dire. La conscience humaine, la conscience de l'homme sur la Terre, la conscience de l'humanité, c'est une conscience expérimentale. Et quand je dis que c'est une conscience expérimentale, je dis ceci. Je dis que c'est une conscience qui ne sert pas l'homme. C'est une conscience qui dessert l'homme. C'est une conscience qui ne sert pas l'esprit de l'homme. C'est une conscience qui sert les appétits astraux de l'homme et qui renforcit son intellect. C'est une conscience fondamentalement astrale qui nourrit son émotif et son intellect. C'est une conscience que l'homme devait vivre pour arriver à l'évolution. Mais ce n'est pas une conscience que l'esprit dans la matière avait à vivre pour arriver à l'évolution. C'est une conscience que l'homme devait vivre pour arriver à l'évolution, mais non une conscience que l'esprit de l'homme avait à vivre pour arriver à l'évolution. Autrement dit, il y a dans l'homme deux aspects. Un aspect soumis et un aspect créatif. L'aspect soumis, c'est la partie de l'homme qui est nourrie par son émotion et son intellect. Et l'aspect non soumis, l'aspect créatif de l'homme, c'est l'aspect qui détruit l'émotion et l'intellect. Et la conscience expérimentale de l'humanité, qui dure depuis des millénaires, c'est une conscience qui abrutit l'esprit de l'homme, mais élève son intellect et son émotivité. Qui engage son émotivité et son intellect. Qui engage sa nature matérielle, mais qui désengage automatiquement sa nature cosmique. La conscience expérimentale de l'humanité, dans toutes les races de l'humanité, c'est une conscience qui, une fois perçue dans le réel de l'esprit de l'homme, ne peut plus continuer à servir l'homme. Et l'homme ne peut pas percevoir la différence entre une conscience expérimentale et une conscience créative que lorsqu'il est intelligent. Et l'homme ne peut pas être intelligent avant d'avoir commencé à détruire la conscience expérimentale pour vivre, développer, sentir, percevoir en lui la conscience créative. Et lorsque l'homme commence à détruire la conscience expérimentale, il se trouve automatiquement seul dans le monde parce que ce qui lui donnait une certaine allégeance à une race ou à une humanité qui se faisait par le biais de l'émotivité ou de l'intellect est détruit. La conscience expérimentale de l'humanité au 20e siècle et avant est dominée par des forces invisibles, par des gouvernements invisibles. L'homme est dominé par des gouvernements invisibles. Comme l'homme est dominé sur le plan matériel par des gouvernements visibles. Et ce sont les gouvernements invisibles qui sont responsables pour le maintien de l'ordre dans la conscience expérimentale de l'humanité en créant et en envoyant pendant un certain nombre de périodes, d'époques, des hommes qui donnent à l'humanité certains enseignements, ainsi de suite, pour maintenir l'humanité dans une certaine règle du jeu des intelligences et des gouvernements invisibles, afin d'aider, afin de promouvoir l'évolution de la conscience expérimentale. Non pas pour le détriment de l'homme, parce que ces intelligences-là voient trop loin pour ça. Ils connaissent l'avenir. Mais néanmoins, pour maintenir l'homme dans une certaine soumission à leur intelligence. Et les hommes étant dans une conscience expérimentale, les hommes étant dominés émotivement et intellectuellement dans leur vie, sont incapables de par eux-mêmes de détruire les règles du jeu qui ont été établies depuis des siècles. Parce que les hommes ne sont pas suffisamment intelligents. Et parce que les hommes n'ont pas suffisamment de volonté. Et tant que les hommes sont incapables de volonté et d'intelligence suffisante, ils sont obligés de demeurer prisonniers de la conscience expérimentale de la Terre, qui mène à la mort mortelle. Pour qu'un homme sorte de la conscience expérimentale, pour qu'il sorte de l'emprise des gouvernements invisibles, des forces, pour qu'il puisse être maître de lui-même, en lui-même, pour lui-même, envers lui-même et envers le monde, il est obligé, à un certain moment de son évolution, de trahir sa race. Et quand je dis qu'il est obligé de trahir sa race, je dis qu'il est obligé, à un certain moment de son évolution, d'apprendre la nature de la haine. Parce que si l'homme n'apprend pas la nature de la haine, pas la haine du cœur, la haine de l'esprit, s'il n'apprend pas la nature de la haine, il ne connaîtra jamais les lois de l'intelligence. Mais pour que l'homme comprenne les lois de la haine, la nature de la haine, la haine de l'esprit, la haine de sa race, il doit être suffisamment intelligent et suffisamment volontaire pour pouvoir rejeter dans l'instant, à n'importe quel moment de sa vie, toute alliance émotive ou intellectuelle avec la race. Remarquez que je parle de la haine, pas dans le sens que vous le comprenez sur le plan humain, mais dans le sens que je le comprends sur le plan cosmique, sur le plan universel, sur le plan du rapport étroit entre les forces de l'intelligence créative et les forces de l'intelligence mécanique. Les hommes, tant qu'ils sont dans la conscience qu'ils ont connue depuis des siècles. Les hommes, tant qu'ils sont dans la conscience qui les a dominés depuis des siècles, tant qu'ils sont dans une conscience expérimentale, ne peuvent jamais haïr réellement. Ils vivent la haine, mais ils ne savent pas haïr. Et comme ils ne savent pas haïr, ils ne savent pas déterminer la réalité des rapports de valeur qui existent entre eux et la race dont ils sont issus. Autrement dit, ils sont incapables de mettre la hache dans tout ce qui les empêche d'immortaliser leur esprit. Parce qu'ils ont trop de sentiments et trop de bonne volonté. Et un homme intelligent ne peut pas avoir de sentiments et de bonne volonté avec des êtres qui ne sont pas intelligents. Il ne peut avoir du sentiment et de la bonne volonté qu'avec des êtres intelligents. Parce qu'un homme qui a du sentiment et de la bonne volonté avec des êtres qui ne sont pas intelligents sera toujours, à cause de la conscience expérimentale, de la conscience mécanique de ces êtres-là, sera toujours éventuellement perdant. Parce que ces êtres-là n'ont aucune lumière. Et quand un être n'a pas de lumière, il est automatiquement subjectif dans ses sentiments et dans son intelligence. Et étant subjectif dans ses sentiments et son intelligence, si les événements de la vie changent, autant il aura été ton ami, autant il peut devenir demain ton ennemi. Autant tu as eu confiance en lui, autant il se tournera le dos contre toi. Autant il t'a considéré, autant il ne te considérera pas. Parce que ses sentiments, sa bonne volonté, ne sont que la part temporelle de la vibration dans son corps astral ou dans son corps mental inférieur. Autrement dit, ce qu'il te présente, ce à quoi il te convie, lui convient, mais ne te convient pas nécessairement. De sorte que le rapport entre les hommes sont toujours des rapports de convenance tellement truffés, tellement manigancés, tellement enveloppés, enrobés de ce qu'on appelle l'amour, le sentiment, le patriotisme, le ci, le ça, que les hommes en sont automatiquement victimes, bon gré, mal gré. Quand je dis qu'un homme ne peut pas entrer dans l'intelligence cosmique, connaître les lois sévères, extrêmement sévères de l'intelligence pure, sans haïr, je le dis de deux façons. Je le dis d'abord de cette façon que cette capacité de haïr, qui est purement mentale, il n'y a pas d'émotion là-dedans. Autant l'amour peut être mental, autant haïr peut être mental. Autant l'amour mental est différent de l'amour qui est fondé sur le sentiment. Autant haïr mentalement est différent de haïr qui provient du sentiment. Alors, mélangez-les pas, parce que vous allez faire de l'overtime en maudit. Vous allez haïr tout le monde, c'est pas ça que je veux dire. Haïr nécessite deux choses. Haïr nécessite d'abord de souffrir, dans ce sens que haïr est le résultat de l'accroissement de la souffrance, c'est-à-dire que haïr est le résultat de l'accroissement de la pénétration de lumière dans l'homme. Haïr est l'accroissement de la sensibilisation de l'homme à son intelligence, à la vibration qui pénètre ses corps. Haïr, c'est le résultat de la vision qu'a l'homme de la Terre, de la société humaine, et du manque total d'harmonie et de conscience dans cette société. Haïr, c'est le résultat de quelque chose, ce n'est pas une réaction à quelque chose. Et autant on a parlé d'amour avant, puis autant on a expliqué que l'amour réel est dans le mental, autant on peut parler aujourd'hui de haïr, mais que la haine réelle est dans le mental, elle n'est pas dans l'émotion. Un homme qui haït dans l'émotion est aussi esclave de cette vibration qu'un homme qui aime dans l'émotion. Bien que le résultat soit différent. Mais un homme qui aime dans le mental et qui haït dans le mental est totalement libre émotivement et mentalement de la race dont il est issu. Et automatiquement, il n'appartient plus à cette race. Et comme il n'appartient plus à cette race, il n'a plus aucune sympathie pour cette race. Et n'ayant plus de sympathie pour cette race, il n'est plus intéressé à faire rien pour cette race. Et les hommes qui connaîtront l'intelligence, qui connaîtront la puissance de l'intelligence, la nature de l'intelligence et de la volonté, parce qu'un va avec l'autre. Les hommes qui vivront à chaque instant de leur vie dans la vibration de ces deux principes d'énergie-là n'auront pas de choix et ne pourront pas opter pour une autre route que celle de haïr l'humanité. Parce qu'ils ne seront plus capables, à un certain moment, de jouer le jeu de l'homme. Et automatiquement, leur rapport avec l'humanité, à quelque niveau que ce soit, seront toujours des rapports très courts, très nets, très secs. Et il y aura automatiquement dans leur vie un mouvement vers eux-mêmes. Un mouvement totalement centripète, qui est le résultat de la grande centricité de l'homme supramental. La haine, c'est très occulte. Et l'homme sur la terre ne sait pas qu'est-ce que c'est la haine. La haine dans le sentiment, ce n'est pas de la haine. C'est de l'amour mal formé. C'est de l'amour détourné. C'est l'opposé de l'amour. Mais de même que l'amour dans le mental n'est pas l'amour que connaît l'homme, de même que la haine dans le mental n'est pas la haine que connaît l'homme. L'amour dans le mental que connaît l'homme supramental, c'est une énergie pure et simple qui n'a aucune coloration au niveau de l'émotif. C'est un pouvoir. Et la haine dans le mental est aussi une énergie qui provient de la suspension de ce principe-là pour l'activation de deux principes en même temps, la volonté et l'intelligence. Autrement dit, prenez de la volonté, prenez de l'intelligence cosmique, mélangez-les ensemble et plongez l'énergie dans une race inconsciente et le produit que vous avez, c'est de la haine. Et la haine cosmique, la haine pure, la haine consciente, fait trois choses. Elle détruit les liens entre l'homme et la race d'où il est né. Elle isole l'homme dans sa vie matérielle de plus en plus pour qu'il se repose de la souffrance de la lumière. Et troisièmement, elle permet à l'homme de détruire en lui-même tous les sentiments possibles qu'il peut avoir envers la cinquième race de l'homme. La haine, la qualité supramentale de la haine, est l'application dans une civilisation inconsciente, d'une intelligence extrêmement vive, réelle, instantanée, et d'une volonté inébranlable. C'est un mécanisme de refoulement. C'est un mécanisme qui sépare les eaux. Et la haine servira dans le temps qui vient à séparer les fils de la lumière des autres. Les gens pensent que dans l'avenir, les hommes vont être séparés. Que les hommes vont être séparés par les dieux, tu sais, qui vont descendre sur un nuage, puis qui vont dire, bon, toi, t'étais bien fin, va-t'en par là. Puis toi, t'étais bien fou, va-t'en par là. C'est pas de même, ça marche. Ce sont les hommes eux-mêmes qui vont se séparer. Et pour se séparer d'une race, il faut la haïr mentalement. C'est-à-dire qu'il faut être suffisamment intelligent pour en connaître tous les aspects et il faut être suffisamment volontaire pour pouvoir en détruire toutes les causes qui se rattachent à nous-mêmes et qui influent dans notre propre vie personnelle afin de mener à l'isolation psychique de l'homme et matérielle de l'homme et ensuite l'immortalité. Et autant il est difficile à l'homme de comprendre le principe de l'amour cosmique, autant il est difficile à l'homme de comprendre le principe de la haine cosmique. Parce que le principe de la haine cosmique n'a jamais été expliqué à l'humanité, parce que c'était pas le temps. Mais le temps vient où l'homme doit savoir tout, et l'homme doit comprendre tout, et l'homme doit comprendre pourquoi il est venu sur la Terre, et pourquoi... Il a voulu venir sur la Terre. Et pourquoi il a été inconscient pendant si longtemps et pourquoi il doit sortir de cette inconscience expérimentale, de cette conscience expérimentale qui est l'inconscience de l'homme. L'homme doit comprendre intelligemment avant de le comprendre réellement, de le vivre, ses relations avec les gouvernements invisibles, parce que ce sont les gouvernements invisibles qui sont les forces les plus puissantes dans l'univers, parce que ce sont ces forces qui dirigent effectivement l'évolution de toutes les planètes et de toutes les galaxies. Et l'homme ne peut pas faire de saut en hauteur, l'homme ne peut pas passer du domaine de l'intellect, de l'intelligence, de la raison, du rationalisme, de la philosophie, de la psychologie, de toutes les sciences qui font partie des manœuvres de ces gouvernements-là. Pour instituer sur la Terre un certain ordre progressif. L'homme ne peut pas vivre sous la domination des sciences humaines et entrer dans l'intelligence. Parce que toutes les sciences humaines sont imposées à l'homme par le biais de son esprit. Pour le bénéfice d'un ordre progressif sur la Terre matérielle. Et l'homme conscient, l'homme supramental, l'homme en fusion, l'homme qui est dans la lumière, l'homme, le fils de la lumière, celui qui est dans l'intelligence, n'a pas besoin de gouvernement invisible pour lui dire quoi faire. Pour lui faire penser de telle ou telle façon. Un homme qui est dans la lumière ne peut pas se laisser imposer à aucune échelle le réel. Un homme dans la lumière ne peut pas se laisser imposer à aucune échelle la philosophie du réel, ou la psychologie du réel, ou la spiritualité du réel. Un homme qui est dans la lumière n'a aucun maître. Et n'ayant aucun maître, il est automatiquement libre des gouvernements invisibles. Et étant libre des gouvernements invisibles, il a le pouvoir dans son esprit de transiger avec tous les niveaux d'intelligence et de comprendre toutes les subtilités de l'intelligent, afin de pouvoir ressusciter dans l'instant même de son dialogue avec les intelligences, que ce soit verbale ou que ce soit télépathique, la lumière. Parce que le but de l'intelligence dans les êtres en évolution, c'est de toujours faire vibrer la lumière et non jamais de développer des structures, des miroirs, des réflexions, des formes pour représenter la lumière. La lumière, c'est pur, c'est indivisible, ça ne se contient pas, ça ne s'analyse pas, ça ne se comprend pas, ça se vit. Et pour que l'homme puisse vivre la lumière, dans la lumière, par la lumière, il doit être capable de se soustraire complètement de toutes les formes d'intelligence qui pénètrent son esprit par le biais du mental ou par le biais de l'émotion. Sinon, il a automatiquement des alliances, des allégeances avec la cinquième race et il doit mourir dans le corps matériel. Un homme qui est dans l'intelligence doit être capable de détruire dans l'instantané de la lumière, dans son esprit, tout ce qui n'est pas vibratoirement en harmonie avec cette lumière, avec cette intelligence. Autrement dit, un homme qui est conscient ne peut pas accepter rien d'un autre homme. Il peut comprendre un autre homme, un autre être, mais il ne peut accepter rien d'un autre être. Et un être qui accepte quelque chose d'un autre être, que ce soit dans le domaine du sentiment ou dans le domaine de l'intelligence, est automatiquement gouverné par les forces qui dirigent l'évolution et qui sont originaires de plans invisibles à l'humanité. Et automatiquement, l'homme est piégé dans la conscience expérimentale. La seule sortie pour l'homme de la conscience expérimentale sur le globe terrestre, c'est l'immortalité de la matière première de son esprit, ce qui veut dire la destruction de l'âme. Et pour qu'un homme détruise l'âme en lui, il est obligé de renier ses liens avec l'humanité, c'est-à-dire qu'il est obligé de neutraliser dans son intelligence, les impressions créées dans son émotif et dans son mental inférieur par la mémoire de l'âme. Il n'y a pas de choix. Il n'y a pas de choix. Un homme qui rentre dans la lumière doit être capable de regarder dans toutes les directions de l'esprit à 360 degrés et comprendre tout. S'il ne comprend pas tout, il ne comprend rien. Un homme qui ne comprend pas tout, ne comprend rien. Et pour comprendre tout, il suffit de deux choses. Ne pas avoir d'émotion et d'intelligence rationnelle dans l'intelligence pure. Parce que tous les hommes ont accès à l'intelligence. La conscience expérimentale sur la Terre, pour un homme qui connaît les lois, c'est le plus grand affront que peut vivre un être conscient. Pour un être inconscient, c'est bon. Parce que ça l'amène à développer les principes dont il a besoin pour un jour penser la conscience. Mais pour un être conscient, c'est le plus grand affront parce que c'est l'imposition sur cet être-là de loi. Et quand je dis de loi, je dis de force vibratoire, de vibration. Il s'enregistre dans son mental, dans son émotionnel, dans son vital, dans son physique, et qui font de cet être-là un être impuissant. Et un être conscient qui réalise son impuissance a une réaction fondamentale et universelle, c'est la haine. La haine réelle. Et qu'est-ce que ça veut dire, la haine? La haine, ça veut dire comprendre tout, voir tout, avoir accès à tout, et ne pas être libre du corps matériel. Alors, les êtres qui passeront dans l'éther connaîtront tous la haine. Parce qu'il n'y a pas de choix. C'est normal. Ça marche quand même. L'intelligence ne peut pas aimer. Elle peut comprendre. Elle peut voir les nuances. Mais l'intelligence pure ne peut pas aimer parce que l'intelligence pure, c'est l'intelligence pure, c'est un principe. Aimer, c'est un autre principe. Alors, tu ne peux pas mélanger les deux. Mais l'homme, dans son inconscience, mélange les deux parce que son intelligence et son émotion vont de pair. Dans l'homme, il y a de l'émotion, dans le mental. Et dans l'émotionnel, il y a du mental. Les pensées contiennent de l'émotion. Et les émotions contiennent de la pensée. L'homme est contaminé. Complètement. Et dans l'intelligence pure, tu ne peux pas mettre de l'amour, ça ne marche pas. Tu ne mélanges pas deux principes infinis. Chaque principe fonctionne suivant ses propres lois vibratoires. Et un est seul, l'autre est seul, et l'autre est seul. Ils peuvent se mélanger, faire des combines. Mais quand l'intelligence et la volonté se combinent, l'homme vit dans la race, la haine. Et quand l'intelligence et l'amour se combinent, l'homme vit la création dans l'éther. Et quand l'amour et la volonté se combinent, l'homme crée des mondes neufs. Alors, ce qu'on vit sur la terre, ce qu'on vit essentiellement à l'intérieur de notre conscience expérimentale, c'est du collage. C'est de la foutaise de A à Z. De la foutaise idéalisée. De la foutaise philosophisée, psychologisée, cataloguée. Mais un jour, il y en aura parmi vous autres, comme il y en aura deux ou trois, qui comprendront ce que je veux dire. C'est important de comprendre que la haine dont je parle, ce n'est pas la haine de l'homme, c'est la haine du surhomme. Pareil. Donc quand je parle de l'amour, je ne parle pas de l'amour de l'homme, je parle de l'amour du surhomme. Quand je parle de l'intelligence, je parle de l'intelligence du surhomme. La volonté du surhomme. Et la haine qui est le produit de l'intelligence et de la volonté, lorsque le surhomme est obligé de constater la vie matérielle et l'exploitation spirituelle, mental, philosophique de l'homme inconscient. Il n'y a pas de choix que de vivre la haine. Mais une haine contenue à l'intérieur de lui-même, mais qui lui donne deux choses. La force inébranlable de ne jamais être assujetti par un autre homme. Et la force inébranlable de ne jamais être assujetti par une société. Les hommes ont du chemin à faire avant de connaître la haine. Des questions sur ça? La conscience expérimentale de l'humanité, c'est le plus grand jeu, c'est la plus grande manigance C'est la plus grande imposition. C'est le plus grand voile jamais imposé sur aucune planète. Jamais une planète n'a vécu de mensonge de façon aussi structurée, consécutive et à long terme que l'homme. Jamais. Parce que jamais une planète a été autant aux prises avec le monde astral que l'humanité. Parce que jamais on a préposé ou proposé un plan d'évolution aussi radical que l'homme. L'homme sur la Terre est le produit d'une architecture cosmique tellement extraordinaire que les chances de réussir sont aussi grandes que les chances de perdre. Que l'homme passe ou qu'il passe pas, les chances sont égales. Et ce qui permet que les hommes passent, comme ils ont toujours passé, c'est que l'homme a toujours reçu au cours de son évolution, il a toujours reçu de l'aide au bon moment. Et si l'homme n'avait pas reçu de l'aide au bon moment, l'homme se serait détruit. Parce que autant l'homme a la chance de se perdre que de voir clair, autant cette chance, elle est fondée sur le fait qu'il y a des êtres dans les gouvernements invisibles qui ont décidé, de par leur libre choix, de venir sur la Terre pour donner un coup de pouce à l'homme. Sans ça, l'homme n'aurait aucune chance de passer d'un plan d'évolution à un autre, d'un plan de mutation à un autre. Ça a été l'histoire de l'homme. Ça a été l'histoire des initiés, ça a été l'histoire des grandes mémoires de l'humanité. Pourquoi? Pour deux raisons. Parce que l'homme est incapable d'aller au-delà de sa mémoire. L'homme est prisonnier de sa mémoire. Et dans aucune évolution, nulle part dans la galaxie, l'homme est-il prisonnier de sa mémoire. Seulement sur la Terre, l'homme est prisonnier de sa mémoire. Et pourquoi? Parce que seulement sur la Terre, le corps de l'homme est si large. Et lorsque l'on regarde l'homme à travers la lentille de l'intelligence, on s'aperçoit de deux choses. Que l'homme est mortel et que l'homme est immortel. Il y a les deux. Et le plus drôle, c'est que il n'a pas le choix des deux. Il y a le désir. Mais il n'a pas le choix. L'homme n'a pas le choix d'être immortel. Il a le pouvoir d'être immortel. Mais il n'a pas le choix d'être immortel. Mais il a le pouvoir d'être immortel. Je m'explique. Quand je dis que l'homme n'a pas le choix d'être immortel, j'ai dit ceci. J'ai dit que la planète, elle est très petite. Cosmiquement parlant. Et qu'un homme soit en Afrique, en Amérique du Sud, qu'il soit n'importe où dans le monde, si cet homme-là doit passer à l'immortalité, il y aura toujours des conditions qui l'amèneront à ça, parce que déjà, il est programmé. Tous les hommes sont programmés. De sorte que la question de l'homme qui passe de la mortalité à l'immortalité, la question fondamentale, la question « pourquoi moi » n'existe même plus lorsque l'homme est conscient. parce que son émotif et son intellect n'est plus impliqué dans la question qui vise à le faire réaliser comme étant un être autre que le reste de l'humanité. Mais la question de l'immortalité dans l'homme, ce n'est plus une question. C'est un savoir. Et un homme ne peut pas transgresser les lois de la vie s'il ne sait pas qu'il a le pouvoir de la faire. Et s'il ne sait pas qu'il a le pouvoir de la faire, il ne pourra jamais le faire. Parce qu'il n'aura jamais l'intelligence et la volonté pour le faire. Les lois de la vie doivent être transgressées. Mais on a toujours parlé en bien de la vie. On a toujours parlé poétiquement, philosophiquement de la vie. Ça fait partie de la conscience expérimentale qui cherche à donner à la vie un sens, une direction, une allure, une raison d'être. La vie n'a pas de raison d'être. Parce que la vie sur le plan matériel n'est pas la vie. C'est simplement une étape qui mène l'homme à la vie. Une étape qui fait partie de l'évolution. La vie telle que vit l'homme, telle que l'homme la connaît sur la terre, ce n'est pas la vie. Mais l'homme pense que c'est la vie parce que l'homme l'aperçoit à travers quoi? Il l'aperçoit à travers son corps astral. Pas à travers son intellect. L'homme perçoit la vie à travers son corps astral, par ses sens qu'il perçoit la vie. Et ensuite, son intellect analyse ce qu'il aperçoit. Mais c'est pas la vie. La vie ne se perçoit pas par les sens. Pour que l'homme rentre dans la vie, il est obligé de détruire à jamais en lui-même ce que les sens lui proposent. Et pour que l'homme puisse faire la synthèse de ce que les sens lui proposent, et pour qu'il puisse voir au-delà de ça, il est obligé de vivre au-delà de ses sentiments et de son intellect. Qui approuve ce que les sens voient et qui rationalise ce que les sens perçoivent. L'amour est approuvé par l'homme. L'amour est approuvé par le sentiment de l'homme. La philosophie est approuvée par l'intellect de l'homme. La psychologie est approuvée par l'intellect de l'homme. Tout est approuvé dans l'homme à cause de son corps astral et de la contribution intelligente de son intellect, de son esprit coloré à ce que les sens perçoivent. Alors, comment voulez-vous que l'homme sache ce qu'est la vie et vive en dehors de ce qu'il appelle la vie? C'est impossible. Alors, il est obligé de connaître la nature de la haine.